projet de Dieu ou projet des hommes? C'est toujours une question qu'on est invité à se poser lorsqu'on travaille à construire nos projets, lorsqu'on réfléchit, qu'on élabore, que ce soit des projets de profession, des projets relationnels ou même des projets apostoliques. Est-ce que c'est mon œuvre ou est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? C'est la question qui est posée un peu dans la première lecture, donc cet extrait du second livre de Samuel. Donc David est à la fin de sa vie, le roi David que Dieu a choisi comme berger, que Dieu a accompagné dans beaucoup de ses conquêtes, et Dieu lui a donné de nombreuses victoires. Et puis David, tout à coup, à un moment donné, justement, il se dit, mais c'est bien beau, moi j'ai mon palais et tout, mais le Seigneur, lui, n'a qu'une tente, hein, l'arche de l'Alliance, donc c'est cet objet sacré sur lequel il y avait un espace et qui était cet espace réservé pour le Dieu mystérieux qui accompagnait le peuple partout dans ses déplacements. Mais cette arche, donc, qui maintenant était gardée près du roi David, n'était pas dans un temple. Et David, il se dit, mais alors il faut lui faire un temple, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai une belle maison, mais Dieu n'a pas de maison. Et donc, il se dit, ben c'est bon, je vais lui faire une maison. Et c'était bien intentionné. Même le prophète Nathan, donc, pense que c'est peut-être une idée pas pire. Et lui dit, ben vas-y, ce que tu veux, fais-le. Et finalement, dans la nuit, Dieu parle au prophète. Et Dieu lui dit, va dire à David, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris du pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi les ennemis, etc. Donc, il dit, c'est moi qui te construis un avenir, une espérance. C'est moi qui te construis une descendance. Je t'ai rien demandé. Je ne t'ai pas demandé de me construire une maison. Mais finalement, Dieu, il dit, bon, tu pourras quand même faire construire ce temple, mais ce sera pas toi, ce sera ton fils qui le fera. Mais en même temps, Dieu lui rappelle quelque chose d'essentiel et de radical. Attention, avant même de faire une belle chose pour moi, de construire un beau temple pour moi, pose-toi la question, est-ce que c'est bien ce que je veux? Et l'humanité s'est bien souvent trompée. Et nous-mêmes, personnellement, parfois on se trompe. Encore une fois, on fait des beaux projets pour Dieu, mais c'est pas les projets que Dieu veut. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on écoute les interpellations du Seigneur? Est-ce qu'on écoute l'Esprit-Saint? L'Évangile nous présente un autre événement, beaucoup plus tard celui-là, donc il y a 2000 ans pour nous. Cet événement historique où la Vierge Marie, donc une jeune juive, pieuse, rien de trop spécial apparemment, promise en mariage à un homme, et tout à coup, éruption, bousculement de son quotidien, un ange vient la voir, un ange lui apparaît. Et cet ange lui dit, je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Donc, premièrement, c'est un peu dérangeant. Je ne sais pas si un ange vous est déjà apparu, mais j'imagine qu'on peut rester bête. Et tout de suite, l'ange la rassure, parce que il doit peut-être, le texte nous dit, elle fut toute bouleversée, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, lui donner le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Donc là, l'ange lui était en train de lui présenter un pas mal gros projet là. Réjouis-toi Marie, tu vas être mère, tu savais pas, dans 9 mois, youhou, baby. Alors, pour si c'était pas planifié, et apparemment ça n'a pas l'air d'être trop dans son programme immédiat, ça déboussole un petit peu. Et d'autant plus que la tradition nous dit qu'elle avait eu probablement cette intention de se consacrer, même si elle était promise en mariage, de se consacrer dans une virginité malgré tout. Et donc là, sa question intelligente quand même, comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Donc elle doit se poser la question, est-ce qu'il faut que je couche avec Joseph avec qui je suis promis en mariage ou si ça va se faire, c'est quoi le plan de Dieu? Et finalement, l'ange lui répond, cet enfant-là ne sera pas issu d'un homme. Ce sera l'Esprit Saint qui viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. C'est pas n'importe quel enfant, hein. On va célébrer Noël là, dans quelques jours, c'est bien beau, la crèche et tout ça. Un beau petit couple qui s'en va avoir un enfant dans une étable, c'est bien charmant. Mais attention, c'est pas n'importe quel enfant. C'est pas un enfant juste normal comme tous les autres. C'est Dieu fait chair. Mais pour que Dieu se fasse chair, il a pas voulu juste apparaître comme ça puis se créer une chair à partir de rien. Il a quand même frappé à la porte d'un cœur, celui de Marie. Et il lui a demandé son consentement, sa collaboration avec cette initiative de Dieu, avec la grâce de Dieu. Dieu, encore une fois, saint Augustin dit admirablement, Dieu a créé l'humanité sans elle à partir donc le créer tout seul, cette humanité. Mais Dieu n'a pas voulu sauver l'homme sans sa collaboration. Et ici, c'est la collaboration de Marie qu'il demande. Encore une fois, ça vient sûrement déranger Marie. Elle avait des plans et pourtant Dieu vient faire éruption et lui proposer d'autres plans. Et c'est ici qu'il y a quelque chose d'intéressant pour nous. Quand j'ai une décision importante à prendre, est-ce que je fais simplement réfléchir, consulter mes amis, consulter mes parents, puis je dis, bon, c'est bien, j'ai décidé que? Ou est-ce que pour chaque décision, particulièrement les décisions importantes, je prends le temps de me poser dans la prière et de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux, toi? Et c'est déjà bien de poser la question, hein, mais est-ce que, en posant ma question sincèrement, est-ce que je veux entendre la réponse de Dieu? Est-ce que sincèrement, je serais prêt à faire autrement ce projet que j'ai le goût de faire, ou à même ne pas faire ce projet que je pensais faire? Ou est-ce que je serais prêt à faire autre chose? Est-ce que mon cœur, hein, Saint Ignace de Loyola, c'est un spécialiste de la vie spirituelle, il a écrit ce qu'on appelle les exercices spirituels, et ses retraites sont très réputées pour faire une retraite de discernement avant des grands choix d'état de vie, par exemple, est-ce que je vais être prêtre, ou est-ce que je vais me marier, est-ce que je vais être consacré, ou quel emploi je vais prendre, est-ce que je vais accepter ses bénéfices ou pas. Saint Ignace a élaboré une belle petite retraite qu'on appelle les exercices spirituels, mais la première disposition qu'il demande à ses retraitants, c'est de se placer dans la disposition de la sainte indifférence. C'est-à-dire d'être prêt à tout. D'être prêt, si c'est pour un discernement, pour un emploi, d'être prêt de le prendre ou de ne pas le prendre. Si c'est pour le choix d'un état de vie, ben être prêt, Seigneur, si tu me demandais, je serais prêt d'être prêtre ou je serais prêt de me marier. Mais montre-moi ton chemin. Ce que je veux, c'est mon cœur est prêt à faire ce que tu veux, mais montre-moi le chemin. Souvent, comme je disais, on pose la question, mais en fait, on a déjà notre réponse, puis on veut juste qu'ils mettent le tampon approuvé. Mais en fait, c'est plus délicat que ça. Si je pose la question à Dieu, je dois m'attendre à ce qu'il me réponde, mais lui laisser la liberté de me répondre ce qu'il veut. Mais ce pourquoi souvent on va pas jusqu'à lui dire « Vas-y, dis-moi ce que tu veux et je le ferai », c'est qu'on a peur, en fait. C'est pas tant, on a peur du bon Dieu, on oublie que qu'il est Dieu, qu'il sait tout, qu'il me connaît moi-même encore mieux que moi-même, qu'il veut mon bien et qu'il peut l'accomplir. Donc on se dit que peut-être il pourrait me demander quelque chose qu'au fond je veux surtout pas faire puis que ça va être malheureux. C'est particulièrement le cas lorsqu'on se pose des fois des questions vocationnelles. Les gens se disent, ouh, faut pas que je me pose trop la question, tout d'un coup qu'une vocation me tomberait dessus. Mais non, ça tombe pas dessus, ça s'attrape pas, c'est pas comme une maladie contagieuse, c'est pas comme la grippe. Une vocation. Une vocation, ça procède du cœur de Dieu et ça vient de loin. Et c'est un projet qui va loin aussi, c'est un projet de bonheur que Dieu propose à certains et qu'il proposera pas à tous. Donc se poser la question, pas de danger, si c'est pas ma vocation, Dieu fera pas en sorte que parce que je me suis posé la question, il va me donner une vocation particulière. Par ailleurs, oui, il me donnera des lumières pour comment marcher dans cette direction qu'il me montrera. Donc la sainte indifférence. L'opposé de la sainte indifférence, c'est le contrôle, hein, la tentation de contrôle, qui est une tentation qui nous guette tous. Quelquefois, on dit que c'est une tentation qui guette un peu plus les dames. Il y en a qui sourient, des messieurs qui sourient, je ne sais pas si c'est vrai. Mais peu importe, ça nous concerne tous, même messieurs, donc écoutons quand même, parce que je pense que c'est une tentation aussi qui peut nous guetter à tous, finalement. Cette tentation de déjà... Hein, des fois, le contrôle vient au fond d'une inquiétude. Vu qu'il y a plusieurs choses que je maîtrise pas, ben je vais prendre bien serré le volant, puis je vais dire, ben là, probablement, il faut pas que j'aille dans cette direction-là. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir après la courbe, donc je vais tenir le volant, puis je vais plutôt aller tout droit ou dans telle autre direction. Mais souvent, le contrôle nous prive de projets encore plus grands qui dépassent ce que j'aurais pu imaginer. Hein, la tentation de contrôle, au fond, nous fait viser toujours plus bas que ce qui aurait pu advenir. C'est pour ça qu'il faut revenir à cette disposition de la Vierge Marie. Hein, imaginez, la Vierge Marie n'avait jamais pensé d'avoir un enfant sans l'intervention d'un homme, d'une part, et d'autre part, elle n'avait jamais pensé non plus que cet enfant, qu'elle serait choisie pour être la mère du Fils de Dieu. Encore une fois, Dieu a des projets souvent étonnants, qui nous dépassent. Et ici, je vous confie qu'effectivement, moi-même, j'ai pas toujours pensé d'être prêtre, hein, ça, certains le savent. Là, je pensais plutôt m'en aller en biologie, moi, quand j'étais au cégep. Mais à un moment donné, avec un ou l'autre rassemblement de jeunes, puis en voyant l'un ou l'autre jeune donner sa vie pour Dieu, vouloir la donner, ça m'a interpellé fort. Et je me souviens bien d'une retraite que j'ai faite, justement une retraite des exercices spirituels. Et de plus en plus, je sentais que peut-être, ça se pourrait que Dieu m'appelle à être prêtre. Mais évidemment, ça me faisait peur. Je disais, être prêtre, c'est quoi ou juste être prêtre? Ça va impliquer quoi? Il y avait plein de choses que j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'avais aucune idée qu'un jour je viendrais dans cette paroisse. J'étais étudiant, j'habitais sur la rue Mira à un moment donné. Et loin de moi cette idée que 10-15 ans après, je serais ici en train d'être à la place du prêtre. Et pourtant, je me souviens d'avoir médité cet évangile précis-là qu'on lit aujourd'hui. À un moment donné, en lisant, je me disais, mais Seigneur, est-ce que ça se peut? Comment, c'est la question qu'elle a dit, hein, la Vierge Marie, comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Seigneur, être prêtre, comment ça va se faire? Il me semble que j'ai tellement pas ce qu'il faut dans la tête puis encore moins dans le cœur. La réponse de Dieu est pas compliquée, t'inquiète pas, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est simple. C'est simple, puis en même temps, ben, il faut quand même, je me souviens qu'effectivement, la petite phrase que l'ange dit un peu plus loin, hein, même ta cousine Élisabeth, celle qui était stérile, eh bien, elle est enceinte depuis 6 mois, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs, je nous invite à retenir une chose en cette veille de Noël. Noël ne serait jamais advenu si Marie n'avait pas eu un cœur disponible, si elle ne s'était pas laissée déranger. Le pape François ne serait pas le pape François si, durant le conclave, ou de plus en plus, le nom qui sortait était le sien, s'il n'avait pas... Il y avait un agenda avant d'être pape, hein. Il y avait des projets, il y avait des choses établies pour l'Argentine. Il pensait revenir comme les autres après 3 semaines chez eux. Mais petit à petit, à un moment donné, oups, l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de ses confrères cardinaux, on dit, le Seigneur t'invite à changer de chemin, à en prendre un autre qui te dépasse. Veux-tu servir le Seigneur dans cet autre chemin? Il a dit oui, et c'est pour nous l'occasion de vivre une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape non seulement pour lui, mais pour toute l'Église. Donc, frères et sœurs, demandons cette grâce du cœur disponible, du cœur qui se laisse déranger pour que Dieu puisse faire ses projets à travers nous. Et encore une fois, je vous le garantis, ses projets sont toujours mieux que les nôtres. Oui, Seigneur, merci pour ce modèle que tu nous donnes ce soir, celui de la Vierge Marie, celle qui, au-delà de ses craintes, de ses peurs, de tout ce qu'elle ne maîtriserait pas pour ce futur qui était le sien, celle qui a quand même su te faire confiance, celle qui a dit tout simplement, humblement, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Oui, Seigneur, on te le redit ce soir, chacun maintenant pour nous-mêmes, « Voici, je suis ton servant, Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Amen.